C'est fou ça. 89 heures. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. François Landry nous enseigne le lexique péquiste dans Logocratie 101. On reçoit Simon Fitzbay avec sa chronique Phénomène et il nous parle des Beatles. C'est qui? C'est Richard Cochianté, je pense, qui parlait de questions de feeling. C'est une question de feeling. Nous, c'est une question de timing. Ah ouais, un matin, c'est pas facile. Moi, je trouvais ça délicieux et savoureux. Vraiment. Ta façon. Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est le jeudi 11 novembre 2010. Tout à fait, la dernière de cette semaine. Tout à fait. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Merci. Eh non, je te présente pas ce matin. Ah ben le vlimeux. Eh hein, celui que vous entendiez dire vlimeux, portant, arborant fièrement la moustache. Oui. Se prénomme Mathieu. Oui, et ce... Se nomme Plante. Plante, ben oui, tout à fait. Toi, t'as deux prénoms, moi j'en ai juste un, mais j'ai deux noms de famille par contre. Mais ça, c'est il y en a... C'est quoi? Secret! Oh, donc. Ah donc, un petit coup par matin, là. Ah oui. C'est quoi ton nom de famille? Tousigny en Plante, je l'ai déjà dit Ouais, c'est vrai. Je l'ai dit en onde même. Ouais. Mais tu sais, je sais pas. C'est... Tu m'écoutes pas vraiment parler. Non, mais on a toujours dit ici, c'est fou Mathieu Plante. Ben c'est plus catchy, hein, c'est un nom là. C'est plus catchy. C'est accrocheur, c'était un boum boum boum boum dans une chanson, c'est comme un pip pip pip. Une petite mélodie qui sortit un peu à cause de ses onomatopées. Pa pa la pa la pa pa pa. Hein? C'est une question de feeling. Aujourd'hui à l'émission, on a la chronique de Simon Fitzbay, Phénomène. Il nous continue sa série sur les Beatles. Ouais, c'est ça, exactement. Pendant tout le mois de novembre, il nous parle des Beatles. Donc, il vient continuer ça aux alentours de 8 heures. Oui, c'est toujours mieux que de parler de mort, hein, finalement, je trouve. Au oui. moins. Même si Beatles, ça parle fait même, sûrement qu'il va en parler à la fin du mois. Hein? Oui. Peut-être même aujourd'hui. Je sais pas. On va voir. On connaît pas son timing. Non, c'est ça. On a aussi François Landry avec sa chronique et Logocratie 101 cette semaine. De quoi qu'il nous parle, lui? Un lexique péquiste. Un lexique péquiste. Un lexique péquiste. Quatrième fois. Un lexique péquiste. C'est bizarre comment je pourrais dire ça? La sonorité, les deux ensemble. Quand ça rime, c'est comme, mettons, le dictionnaire des actionnaires, péquiste. Mettons. Ça, ouais. Mais on peut pas dire que ça rime vraiment, mais... Non, tout à fait, ça rime pas du tout, en fait. En y repensant, t'as raison, ça rime pas du tout. Hein. C'est... Mais... Non. Ouais, mais en tout cas, ça va être ça aux alentours de 8h30. Je sais pas où j'ai pris ça, que ça rimait. Hein. Je sais pas. Hey, écoute, c'est jeudi, hein, on nous pardonne pour toutes nos erreurs. Il y a des culs là-dedans, mettons. C'est ça que j'ai retenu. Oh, oui, mais ouais, lexique péquiste. Bon, ben, je pense que c'est assez pour ça. Là. Bref, de quoi qu'il parle? C'est ça, il va nous faire ça. Alors, on va aussi avoir une chronique, c'est un fait, avec des faits inutiles à savoir... Comme, par exemple, le fait que lexique et péquiste ne riment pas. Ne riment pas, ouais, tout à fait. Mais pour l'instant, on va commencer l'émission en force, mon François-Olivier. On commence à l'instant même avec un magnifique bloc. Comment t'appelles ça déjà? Deux fois. Il était deux fois, c'est ça. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. Drop ça. Ce serait pas une semaine d'assemblage requis sans au moins un bloc, il était deux fois. Tout à fait. Parce que là, à un moment donné, là, on se laisse aller si on en fait pas, là. Hein? Tout à fait. On vient avec un petit bloc de Beastie Boys. Nous, on première se fois qu'on, ben, c'est ça, première fois qu'on fait jouer les Beastie Boys dans Assemblage requis, en fait. Il y a une première édition du matin. Ouais. Mais c'est un bon choix. Ouais. Ouais. Bravo, on se félicite. Est-ce qu'on serre la main? T'as un petit peu loin ta main. Non, on se laquera dans le dos. Non. Oh, OK. On va entendre deux pièces des Beastie Boys tantôt. On va entendre une autre pièce qu'on choisira en cours de route. On commence avec Check It Out tout de suite. Check It Out. Yeah, oh yeah. All you Trekkies and TV addicts. Don't mean to this, don't mean to bring static. All you Klingons in the fucking house. Grab your back street friend and get loud. Blowing doors off hinges. Grab you with the pinches. And no, I didn't retire. Snatch it off with the needle nose. In the glaze, like Lord P, you know I get paid. Like a place with the basil. That could be like Darren, I hate so. I'm a motherfucking Nick at night with facts. We running, they know, alright. Now, we ain't call no love, cause my farm ain't fast. So, what's up with that? I got friends and family that I respect. When I think I'm too good, they put me in check. So, believe when they say I'm no better than you. Except when I rap, so I guess it ain't true like that. Well, then you just don't stop. Guaranteed to make your body rock. Check it out. What's it all about? We're working out. Let's turn this motherfucking party out. Say, Doc, what's the condition? I'm a man that's on a mission. Son, son, you better listen. Stuck in your ass is an electrician. Like a scientist. When I'm applying this method of controlling my mind, like I'm not a rat, but you can fly. Now, hey, nigga, but now what the deal? I don't know, get over that. Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Yeah! Beastie Boys avec la pièce Sabotage. Oh oui, dans le bloc qui était deux fois. Très bonne pièce. T'as-tu déjà vu, Mathieu, le vidéoclip de ça? Non. Très bon. Ah ouais? Très bon. C'est comme des vieux agents de police avec moustache, grosses lunettes. C'était carré pour ça. Moi, j'ai vu leur performance dans l'émission Futurama. Dans les premiers épisodes, il y avait les Beastie Boys. Ah, Futurama, les... Madison Cube Garden, quelque chose de genre. Ça, c'est une bonne émission. Ça, j'adore Futurama. Ça plaît à Mathieu Plante. Ça me touche, mais énormément. Là, il y a bien des gens qui sont touchés par les Simpsons. Moi, c'est Futurama qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup en tant que geek extrême. J'aime ça. Donc, un bloc qui était deux fois qui commence très, très bien l'émission. En force, je dirais, c'est comme... dans les dents, c'est comme si on... C'est comme le contrat d'un sabotage. Dans ta finalement. Face. Oui, dans ta face. C'est quoi le contrat d'un sabotage? La construction, comme construire votre journée à partir de matériaux de qualité. Ouais, à peu près. Comme le slogan d'assemblage requis, ouais. Ça fitrait. Hein. On va l'entendre du Tegan and Sarah dans quelques secondes, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient. Par contre, j'aimerais te remercier, Mathieu, de m'avoir incité à acheter sur le site Amazon.ca. C'est rapide, mon ami. C'est la meilleure invention depuis, je dirais, depuis iTunes, je trouve, moi, personnellement. Ouais. Depuis le début d'Internet. Pour vrai, comme dans le top 3. Là. Pour vrai, je pogne de quoi. Puis je sais qu'Alain Lefebvre, qui travaille ici à C'est Fou, son émission Rock Classique, le vendredi, achète beaucoup aussi sur ce site-là, mais jamais j'aurais pensé une telle efficacité. Quand tu y goûtes, là. C'est parce que c'est pas plus cher. Non, c'est ça. T'as le même prix ou encore, moi, sérieusement, j'ai commandé 3 DVD de Amazon au Royaume-Uni avec genre, ça coûtait comme 15$, tu sais. Sérieusement. Ils font des rabais extrêmes, là, n'importe quand. J'ai commandé un Blu-ray qui vaut genre 40$ de Scott Pilgrim là, sur Amazon.ca. Il coûtait comme genre 15$ de rabais, genre. 15$ de rabais. Juste comme ça, là, pour le fun. Là. Comme ça. Puis ça te coûte rien le shipping? Non. Shipping gratuit en haut de 25$ avant. C'était comme 30 quelques. C'est 25$ et plus. Pas de shipping. C'est incroyable ça. Ça veut dire, là, inévitablement, tu sauves de l'argent. Inévitablement. C'est sûr que, écoute, tu l'as peut-être pas à l'instant même. Non, peut-être 2-3 jours au Canada en moyenne. Mais à la limite, tu peux précommander. Puis ben dès qu'il est en kiosque, des fois, Alain me disait que la journée de sortie de l'album, il le recevait. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est vraiment bien. Non, c'est formidable. Ouais, ouais. Formidable. J'ai commandé un article mardi et ils me disent que ma date de livraison est demain. C'est incroyable. Je capote. Et mardi soir, là. Puis ça, c'est disponible nulle part en magasin, ce que tu as commandé. Non, et c'est ça. C'est ça qui était indisponible dans les magasins. Il se met en 3 heures depuis juin 1. Mm-hmm, juin. Allez. Amazon.ca en stock dans leur entrepôt. C'est de la magie. Wow. Mais en tout cas, si je le reçois, peut être sûr que lundi, je vais parler de ça. Tout à fait. Et c'est ça, ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore utilisé Amazon, premièrement, c'est là depuis des années et des années. Donc, ils ont fait leurs preuves. Vous n'avez pas à stresser avec la sécurité d'Amazon. C'est une compagnie de confiance, selon moi et bien d'autres. Ah, tout à fait, tout à fait. Non, j'ai pas de doute. Puis même que ça doit être coté à la bourse. Ah, ça, je sais pas. Il y a plusieurs branches d'Amazon partout dans le monde. Donc, si vous trouvez pas quelque chose sur Amazon.ca, comme moi, chercher des DVD bien particuliers, mais aller sur une autre région. Évidemment, bon, pour les DVD, peut-être que là, c'est pas la meilleure chose à conseiller parce que vous pourrez pas les lire dans vos lecteurs DVD communs. Mais si vous voulez commander des livres, des CD, ouais, n'importe quoi, là, ça, achetez-les de n'importe quelle version d'Amazon. En tant que vous compreniez la langue d'affichage, je pense que c'est pas mal. Tout à fait. Voilà, donc Amazon.ca, c'est dit. Tout à l'heure, chronique, c'est un fait. On va parler, entre autres, de hamster. Et les maudits hamsters, hein? Non, mais arrêtez de vouloir, en ce cas... tu sais, quand on est jeune, tout le monde a un hamster. Ouais, ouais. Je pense que c'est poche pour l'animal. Ouais. Ça a pas... C'est une conscience pour eux. Hein. Ça pue. Oui. Ça sent vraiment bien. On va parler aussi de Iceberg, donc dans la chronique. C'est un fait dans quelques minutes, mais pour l'instant, on va entendre Tegan et Sarah avec... Avec, ben oui, tabarouette, excuse-moi, Mathieu. C'est toi qui l'as choisi, donc ben oui. Je me dis que tu sais le titre. Mais c'est Living Room. Ah, ben Colin. C'est la 8e, je pense, du CD. OK. Du CD If It Was You. Très bon CD. Ouais, à Assemblage Requis, ça? Mettons. Qui? Mettons qu'on devait dire, mettons, où est-ce que les gens sont en ce moment, parce qu'ils savent pas, mettons. Dans leur auto, peut-être, okay. Ou dans... Dans votre auto! Hein? C'est FM. Wow. Ouais. I wonder what it is that I do. did to make you move and across away from me. I hope I never figure out who broke your heart. And if I do, if I do, I'd spend all night losing sleep. I'd spend the night and I'd lose my mind. Well, I'd spend the night and I'd lose my mind. To your bathroom, well, I spend the evening watching you get yourself clean, and I wonder why it is that they left this bathroom so unclean, so unlike me. I hope I never figure out who broke your heart. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou! J'ai pas de Dieu, mais c'est pour toi, j'ai pas de Dieu. Sauver de l'air. La formation Cut Off Your Hands avec Still Fun French Version. François m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire, fun, hein? Ouais. Ça veut dire apprécier quelqu'un, être attaché à, tu sais, avoir toujours des, pas des sentiments nécessairement amoureux, mais tu sais, je t'apprécie toujours. Mettons que quelqu'un vient de casser avec toi, il y a quelques temps, tu sais. F-O-N-D, là. Ouais, F-O-N-D, ouais. C'est le mot. Parce que funds, F-U-N-D-S, ben c'est des fonds, là, c'est... Fonds de roulement, mettons, ouais, de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui coûte pas cher dans la vie? C'est quoi? Qu'est-ce qui coûte pas cher? C'est quoi? Des faits. Des faits. Comme dans la chronique, c'est un fait. Vas-y. Okay. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables ici dans Assemblage requis. Et François me dit toujours son verdict s'il trouve ça intéressant ou pas. Hein. Ouais, exactement. Et puis, je vais en finir avec un fait. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ben, mon tana. Qui va peut-être te surprendre, qui va peut-être te choquer. Me choquer? Ben, je sais pas. Non, hey, là, pas de mauvaise humeur, toi, là. Ça me surprendrait que ça te choque, mais écoute. J'espère que non. On sait jamais. Ouais. Vas-y, Mathieu, je te laisse. Savais-tu que Barbara, le prénom Barbara, c'est du latin, qui veut dire femme étrangère ou étrange? Non, je ne savais pas. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui s'appelle Barbara, qui prénomme Barbara Streisand en étant un très bon exemple. Genre ou Barbaran. Barbaran, comme dans la chanson de Babybel. Oh, Babybel. Oui. Wow. J'étais un petit peu trop loin avec ma voix. L'abréviation LB. C'était toujours demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Tu sais, bon, les livres LB, là, tu sais. Mettons, t'achètes quelque chose. Tu sais, mettons, ça va être 4 livres, ça va marquer 4 LB, là. T'as déjà remarqué ça? Non. Non? Non, mais pas pour livre. C'est un sac de patates, mettons. LB. Ah, si mais... jamais marqué livre, ben ça peut être marqué livre au complet, mais c'est pas LV, c'est pas L-I-V, c'est LB, non? Mais LB, ça veut dire livre? Oui, ça veut dire livre. Oui, ouais, tu savais ça, non? Oui. Okay. Bon, mais tu t'es peut-être demandé pourquoi c'était LB, parce que livre, il n'y a pas de B là-dedans, puis même en anglais, c'est pound, fait qu'il n'y a pas de B. Oui, ouais. Ouais, j'avoue. Ni non. De L, en fait. Non, mais je le savais, mais je me suis jamais posé la question. Okay. Mais vas-y, ça doit être pour... Moi, c'est un des premiers faits que je m'étais déjà posé cette question-là, étrangement. Donc, l'abréviation LB est utilisée pour des livres américains, donc pour le poids, à cause de la base latine qui est libra pondo, qui était une unité d'argent, de la monnaie, donc dans la Rome ancienne, Rome antique. Hein? LB, libra pondo. Du latin? Ouais. Risotto. Hein? Ouais. Ouais. Non? Ouais. Je trouvais ça pas super. Ça veut dire que le cœur d'un hamster bat 20 fois plus vite que celui d'une baleine. Ah non. Le cœur d'une baleine bleue typique, là, normale, c'est 20 fois par minute. Juste 20 fois par minute. C'est pas tant que ça. Non. Ensuite, tu penses au fait que le hamster, lui, en a 450 par minute. Là, c'est peut-être beaucoup. Hein. 450 battements de cœur. De là, l'effet des hamsters. Normalement, plus l'animal est gros, plus son battement de cœur est lent. Ça a une corrélation avec son Mais c'est con, j'aurais pensé le contraire. Ouais, hein? Ouais. Ouais. Non, ça a rapport avec, comment t'appelles ça, la durée de vie potentielle de l'animal. Ça, apparemment, okay. Là, c'est une corrélation entre les deux. Parce que plus l'animal est gros, plus il vit longtemps. Ah, attends, non, mais... les petits animaux avec un battement de cœur plus rapide souvent vont épuiser leurs organes plus rapidement. C'est ça. Donc l'hamster, ça bat plus vite, là, le cœur se tend et fait comme bon, mais gars, de la merde. Mais c'est un muscle, hein? Puis, ouais. En fait, là, l'idée, c'est quand même d'utiliser les muscles, mais pas... pas à outrance. Bah, pas à outrance, tout à fait. Ça. Savais-tu que les... tu savais-tu ça? Je vais demander vraiment ça comme trop convivial. Savais-tu, François-Olivier Marchand, que les icebergs, les glaciers, en fond, sont faits d'eau fraîche et non pas d'eau salée? Oui, ça je le savais. Parce que, mais il existe des... en fait, une compagnie, là, je sais pas... qui fait de l'eau de glacier. Ouais, c'est à ça boire. Exactement. Donc c'est sûr que et puis ça vient vraiment de l'eau des glaciers. Donc ouais. C'est sûr que ça peut pas être de l'eau salée. Là. Exactement, c'est pas composé du tout d'eau salée. Ces gros morceaux de glace ont déjà fait partie, bon, vous aurez peut-être deviné, de beaucoup plus gros glaciers. Donc ça s'est détaché à un certain fait, point. Ouais. Et puis ça flotte dans l'eau depuis ce temps-là. C'est pour ça que les icebergs ne contiennent pas d'eau salée, alors que l'océan autour d'eux est composé de ça. Bon, tu connais les Powerpuff Girls, les personnages de dessin animé. Powerpuff Girls, non, ça, c'est des petites filles qui se battent contre des méchants, là, ça joue à la télé. Là. Ça me dit rien pas. C'est les méga poulettes. Comment ça s'appelle en français? Ça, c'est comme un nom vraiment. Méga poulettes. Ah, genre, là, c'est moi stupide. Bref, les Powerpuff Girls, au début, s'appelaient les Whoopass Girls, comme les filles qui battent des derrière. C'est vrai. L'émission a commencé, c'était un projet pour projet scolaire, si on veut, un projet d'école pour le créateur de la série Craig McCracken pendant son son séjour à la California Institute of the Arts au début des années 90. Une fois que l'émission a été acceptée par Cartoon Network en 1997, les filles ont reçu un nom un petit peu plus family friendly, donc un petit peu plus familial dans leur ton, parce que Whoop Ass Girls, on s'entend que sur pour une émission pour enfants. Ouais, non, ça passe pas le test. Ça n'aurait pas passé du tout. Savais-tu que les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 se divisent tous en qu'est-ce que ça veut dire? J'essayais de comprendre la phrase. En même temps. Se divisent en 2520. Si on les divise en 2520, qu'est-ce que ça va donner? Caroline, bonne question. Je me surprends moi-même avec ce fait-là qui n'a aucun sens pour moi. Attends un peu. 2 divisé par 2520, ça ne veut absolument rien dire. Je la comprends pas, celle-là. Quelqu'un expliquez-la à moi, s'il vous plaît. C'est pas moi qui vais te l'expliquer, Marie. C'est moi qui est supposé enseigner des faits, celui-là, je le comprends pas. Savais-tu que l'acteur Matthew Perry, il manque un bout à son doigt, son majeur ici, le doigt qu'on aime le tous pointer. Quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien. Savais-tu ça? Moi, je savais pas ça. Matthew Perry, tu le connais de tous les films, le The Whole Nine Yards, The Whole Ten Yards, l'autre avec le mariage, je sais plus qui, puis tu sais, Friends, tout ça. C'est peut-être pas mon acteur préféré, là, mais... Il est cocasse, il est drôle. Oh, ouais. C'est correct, il est divertissant, mettons. Moi, je m'étais jamais rendu compte de ça en 10 saisons de Friends. J'ai tout vu ça, puis j'ai jamais vu que Chandler lui manquait un bout de doigt. J'avais jamais vu ça. Ben là, c'est particulier, tu t'attends pas non plus à... Non, c'est ça. Allez voir la photo, ça le prouve. Donc, Chandler Bing, oui, qui manque une partie de doigt. Qu'est-ce que ça dit? Il a perdu sa portion de doigt après un accident de portière quand il était jeune. Holy shit! Pauvre lui! Important, faites attention quand vous fermez... Une porte. Ouais. Ou que quelqu'un d'autre ferme la porte près de vous. Tout à fait. Ouais. Pas nécessairement sa faute, ça. On ne saura sûrement jamais, en fait. Voilà pour cet effet aujourd'hui. Je trouve que c'était pas. C'est pas si pire. Quand même pas pire. Ouais. Pour verdict. Ouais. Le meilleur film, mettons. Le meilleur film, ben celui des hamsters m'a intéressé le plus. Ok. Pas mal ça. Hein? C'est pas mal ça. C'est le seul qui t'a intéressé en fait. Hey Matt, mon tour. Un garçon amène une bombe de la Deuxième Guerre mondiale à l'école. Oh! Ouais. C'est assez surprenant. C'était un garçon de 12 ans qui a rapporté mardi passé en fait, dans son école à Wrocław, dans le sud-ouest de la Pologne. Une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ça a forcé l'évacuation de 400 élèves de l'établissement. Après avoir évacué les 400 enfants, la police a transporté la bombe en dehors de l'école. Il était, là, au moment de la rédaction de l'article, il était en train d'interroger les garçons pour savoir où il l'avait trouvé et ce qu'il comptait en faire. Mais tu sais, quand il y a 12, hein, pensez-vous sérieusement qu'elle allait la faire sauter? Hein? Bref. Mais la bombe a été transmise aux des mineurs. Oh! Mais assez surprenant quand même. Je me demande vraiment où est-ce qu'il l'a trouvé. Mais tu sais, je crois pas que le garçon avait une idée malsaine derrière la tête. Là. Loin non. de là. Peut-être que son grand-père était à la guerre puis collectionnait des affaires. On sait peut-être, à la limite, c'est ça. Ça vient de l'interne. Parce que trouver ça, à la limite, tu trouves pas ça non plus sur le bord de la rue. Au dépanneur. Non. On va te prendre des jujubes puis une bombe. Je vais te prendre des jujubes puis une bombe, s'il te plaît. Sex bomb. Pourquoi je chante du Tom Jones aujourd'hui? Ah, c'est quoi, hein? Je sais pas. Ça doit être parce que c'est une belle journée. Ouais, c'est ça. Ça me fait chanter du Tom Jones. Chaque fois qu'il y a une belle journée, vous le savez maintenant, mon secret est dévoilé au grand jour. Mathieu Plante, son prénom. Vous êtes toujours Assemblage Requis, c'est votre émission matinale en pièces détachées sur les ondes du 89.1 FM. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante ensemble jusqu'à 9h, heure de l'Est. Jusqu'à 9h, heure de l'Est. Et Assemblage Requis est une présentation de service aux étudiants. Ici même de l'UQTR et puis de la Banque Nationale. True that too. True that too, man. True that too. François? Yeah! Je sais que tu écoutes C'est fou avec moi toute la journée. En fait, on est ensemble bien collés comme ça et on écoute C'est fou à profusion. Oui. Ça coule de nos oreilles. On a presque les oreilles qui saignent tellement on écoute C'est fou souvent. En fait, on n'a pas le choix parce que ça joue dans nos bureaux. Ouais, mais on peut régler le volume. On peut régler le volume de la plupart des endroits. Si tes oreilles saignent, baisse peut-être un peu le son. Là. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, je pensais qu'il fallait téléphoner à l'animateur de la station de radio en ondes pour lui demander « Pourriez-vous, s'il vous plaît, baisser votre volume sur vos ondes? » Mais tout ça pour dire, cette histoire-là est très intéressante, pour nous amener à Standing Walls, qui est un classique, je pense. De C'est fou. En général, Standing Walls, c'est une formation de jeunes personnes très sympathiques, très... ils font de la bonne musique. très, ils font de la bonne musique. Ils sont très, ils font de la bonne musique, je trouve. puis ils ont fait paraître un album, c'était en mai 2009, qu'on a toujours adoré ici, Non-Sens. On a eu plein d'essais dans le palmarès, Can't Break Me, In My Nightmare. Et là, j'ai envie d'entendre leur extrait qui les a, fait connaître, surtout pour cet album-là. C'était Phosphore, je sais pas ce que t'en penses. Ben oui. On entend ça à Assemblage Requis sur les ondes de Sifu. C'est un remake d'une vieille pièce qu'on m'a dit. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. We'll be right back. Et en gros, c'est la pièce Hands sur les ondes du 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se retrouve dans... l'autre bord. De l'autre bord, j'aime ça. De l'autre bord de la rivière. On verra comment que c'est quand on sera rendu à la traversée, comme dirait l'expression. Mais on va la traverser tous ensemble, pareil. Ah ben oui, mais on se prend par la main comme les enfants avec la petite corde. Touche pas à ma main, toi. Ou la mitaine. Hé, hey, je vais-tu bien toucher à ta main si j'ai envie de toucher à ta main? Tu m'empêcheras pas ça. On a qui dans la deuxième heure, Simon Fitzgibbon? C'est mon seul plaisir dans la vie de toucher à ta main. Tu me baïonnes, comme dirait François Landry dans sa chronique politique Logocratie 101, qui s'en revient ton nom. C'est ça, la chronique de François Landry va être aux alentours de 8h30. Oui, mais d'ici là, on a Simon Fitzgibbon à 8h. Tout à fait, chronique phénomène qui va nous continuer de nous parler des Beatles. Il va nous continuer de nous parler de nous, Beatlemania. Il va nous beateler ça dans la face. Tout à fait. On se répète avec l'expression dans la face, hein. Je trouve qu'on l'utilise souvent, ça. Dans ta face? Dans ta face. dans ta face. Mais c'est une bonne expression, si tu veux, une expression gagnante de même. Hein? Ouais, mais c'est in là, en 2010. Là, c'est ça. Ça. Puis si le monde sont allés de la redondance, de toute façon, ils n'écoutent pas Assemblage Requis, c'est tout ce qu'on fait. Bon, ben. Hein, pub? Ah, comme des rires inconfortables, on fait ça souvent aussi. Ouais, pub, ben, faut pas en plus. À tantôt. C'est fou, ça. 89.1. Tu dis que ça me donne le goût de danser, hein? Mm. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage Requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage Requis, votre émission matinale en pièces détachées, l'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. On est ensemble jusqu'à 9h. François-Yves Marchand est devant moi, juste ici. Hein. Et celui que vous entendez, c'était Mathieu Plante. C'est moi, ça. Allô, bonjour, ça va? Quoi de neuf? Je parle au requin comme bon, si elle allait me répondre. Hey, on est vraiment content que Simon Fitzbé soit arrivé. Ben, c'est, il fait monter la cote, la cote de crédibilité, je te dirais. Tu sais? Les voix escarpent descendre. Oh, non, c'est pas vrai. OK, bon, ben, il y a une bonne estime de lui-même, ça, j'aime ça. Donc, Simon Fitzbé, voici Phénomène. On va faire la nomenclature de la définition de la liste de tâches de Simon Fitzbé. La liste de tâches de Simon Fitzbé, c'est de vous enseigner des choses sur le rock. Et depuis la semaine passée, pour le mois de novembre au complet, sa nomenclature continue en disant que c'est les Beatles qu'il doit aborder. Les Beau-Vember. Les Beau-Vember. Bill Lambert. Beat Lambert. Adam Lambert. Oh! Bien ici, peut-être oui. Que c'est le fils illégitime de Beatles. Peut-être. Peut-être, écoute, on a fait l'arbre généalogique d'une façon... Assez rapide. Ouais. Donc, écoutez, messieurs, on va couper le blabla parce qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Une longue période des Beatles, en fait, qui se nomme la Beatlemania. Wouhou! Et yeah. Oui, donc la semaine dernière, c'était les débuts des Beatles et maintenant leur montée à la célébrité. Donc, on se rappelle la semaine dernière que Brian Epstein, le nouveau gérant des Beatles, a réussi à leur décrocher un contrat de disque avec la EMI. Donc, ils produisent maintenant avec George Martin, grand producteur de la maison de disques. Et le 5 octobre 1962 sort Love Me Do, qui atteint le 17e rang au palmarès britannique. C'est le premier succès des Beatles dans le palmarès, quoique c'est pas le premier numéro 1. C'est pas encore le début de la Beatlemania, mais il s'agit d'une grande satisfaction pour le groupe. Et au moment où également le titre passe à la radio, ils sont très très contents. Mais le deuxième de 45 tours, Please Please Me, dont les paroles sont ambiguës pour l'époque, on dit t'as pas besoin que je monte te voir et des choses comme ça. Donc on parle aux jeune fille et envoyée au premier rang. Donc, c'est le premier numéro 1 des Beatles. Et ce numéro 1-là leur offre leur premier enregistrement dans l'optique de réaliser un album complet, un long jeu, Please Please Me, qui est enregistré en 9h45 le 11 février 1963 rapide. Et lancé le 22 mars. Très, très rapide. Ça a été fait tout dans la même journée. On n'avait pas le temps, dans ce temps-là, de s'échelonner. S'éterniser et puis reprendre. Ah, c'est ça. Comme ici, bien souvent, là, au Québec, c'est rendu 50 les albums là, dans ce temps-là. Non, c'était une journée, on le fait, on le sort deux mois plus tard. C'est bonne vieille méthode. Puis c'était efficace aussi. C'était très efficace. Ah ouais, et on faisait beaucoup plus d'argent dans ce temps-là, justement, en lançant album par-dessus album. Et il est lancé le 22 mars et il atteint le top du palmarès. Et il passe 7 mois rapidement. Et c'est là vraiment qu'on marque le début de la Beatlemania. La Beatlemania, c'est le mouvement donc parti de Liverpool. C'est la musique des Beatles qui enflamme la Grande-Bretagne. Les garçons veulent ressembler aux Beatles et les jeunes filles s'évanouissent lorsqu'ils chantent les yeah yeah yeah de la pièce She Loves You. La jeunesse prend goût et sa coiffe et s'habille à la façon Beatles, c'est-à-dire, bon, vous savez, la coupe de cheveux avec un bol sur la tête. Ouais, exactement. Tout le monde a vu ça. Tout le monde l'a portée, je pense. Ouais. Même nous autres, on a eu la coupe champignon quand on était jeune. Ben, ouais, tout à fait. C'était un peu semblable. Donc, on se laissait allonger les cheveux. Et pour dire, la coupe Beatles à cette époque-là, c'était vu comme être pouilleux. Là. C'était vraiment avoir les cheveux très longs. Ah ouais? Oui. Okay. Les Beatles étaient vus par la génération un peu plus vieille comme étant des pouilleux. Ça a changé un peu depuis le temps. Et entre autres, pour marquer un peu le sommet de la popularité, le 4 novembre 1963, ils font un concert devant la famille royale donc d'Angleterre au Prince of Wales Theatre de Londres pour donc le Royal Command Performance. Donc, on avait commandé une performance pour la part des Beatles. Et c'est là, d'ailleurs, que John Lennon a dit pour les gens qui sont dans la foule en bas, vous pouvez taper des mains. Et pour les gens en haut, la richesse, vous pouvez taper avec vos joyaux. Donc, vous pouvez prendre vos bijoux pour faire du bruit. Votre bling-bling pour faire du bang-bang. Oui, exactement. Exactement. Il disait pas bling-bling, malheureusement, à cette époque-là. Ça a été très hot, par exemple. Et donc, le groupe enchaîne numéro 1 après numéro 1. Ils vont même déclasser. Ils se déclassent eux-mêmes au palmarès. Donc, ils sortent une nouvelle pièce qui va devenir numéro 1 à la place de la pièce d'avant qui l'était encore. C'est comme battre ton record à Donkey Kong. Oui, exactement. Ça n'arrêtait pas. Hein, ils jouaient souvent à Donkey Kong les Beatles. Et donc, lorsqu'il arrive aux États-Unis aussi, donc il y avait 5 premières pièces qui étaient classées au palmarès. Donc, pour vous donner une idée, là, les numéros 1, 2, 3, 4, 5, c'était 5 pièces des Beatles. Donc, c'était vraiment... Ça allait bien. Oh, ça allait très, très bien pour eux. Et au top des palmarès, depuis sa sortie, Please Please Me est déclassé par le second album du groupe With the Beatles. Et nous allons entendre notre première pièce aujourd'hui, All My Loving, tirée justement de cet album With the Beatles. Lancé en 1964. Ouais, attends. Supposé partir. Elle est vraiment supposée, mais elle veut pas. Elle veut pas. Elle c'est peut-être un M4A. Hein, donc ça mon sacripant. Peut-être toi. De fonctionner. Ah ben, ça t'apprendra. Ah là là là là. Donc ça sera une Attends. On va essayer quelque chose. Un bout sans pièces. On essaie quelque chose. Même pas. Ça fait crasher VLC. Oh yeah. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Et donc, c'était les Beatles avec la pièce All My Lovin'. J'étais suivi dans ça. Oui, une petite affaire. Une petite épette, mettons. Un petit move, là. Ouais, mais depuis, depuis que j'ai vu cette pièce-là au Centre Bell, faite par Paul McCartney, ça me touche en dedans. Ouais. Je danse. C'est bien. J'entends. T'as le droit. Et ça m'émeut aussi. C'est fun que tu danses ce matin. Ouais, t'as l'air en forme. Je suis en forme et heureux. donc, les deux premiers albums du groupe qui arrivent aux États-Unis, et là, on parle ici de Please Please Me et With the Beatles, qui arrivent donc aux États-Unis sous des noms un petit peu différents, avec des pièces, la liste des pièces est un peu changée, mais bref. Ils arrivent aux États-Unis, mais les maisons de disques ne croient pas vraiment au potentiel du groupe. Et il y a seulement la Capitol qui va prendre le risque de présenter les Beatles aux États-Unis. Ils jugent que, en fait, les compagnies en général, que la Beatlemania, c'est juste de passage. Et il avait été clair également avec Brian Epstein, les Beatles ne voulaient pas mettre les pieds en Amérique avant d'être numéro un là-bas. Donc, si la Beatlemania ne s'enflammait pas ou n'enflammait pas les États-Unis, ils ne voulaient pas y aller. Par contre, ils obtiennent leur premier numéro 1, « I Want to Hold Your Hand », qui était le cinquième 45 tours lancé là-bas, cinquième simple, grâce à la Capitol, bien sûr. Et ça arrive le 1er février 1964. Et donc, la Beatlemania va rapidement se répandre aux États-Unis. Et le groupe prend son envol pour une tournée historique dans les pays d'Elvis, Chuck Berry et Little Richard. Bien sûr, leur héros, le héros du Fab Four, les héros du Fab Four. Leur avion se pose à l'aéroport John F. Kennedy le 7 février 1964. Et ils sont accueillis par 3000 fans en délire. Donc, à l'aéroport, là. À l'aéroport, il y avait 3000 fans et ça me rappelle, on avait essayé de faire ça côté publicitaire quand les Backstreet Boys sont arrivés au Québec pour la première fois. Ils avaient envoyé des filles à l'aéroport. Ça avait plus ou moins fonctionné. Donc, il avait fallu qu'ils envoient des filles. Ils n'avaient pas envoyé des filles, mais en fait, c'est, je pense, une station de radio qui avait fait, donc on va aller accueillir les Backstreet Boys. Il y avait peut-être eu 200-300 personnes. Ça ne bat pas les 3000 des Beatles. Hein. Mais on essayait de créer un genre de même phénomène. Hein. Et donc, pour un groupe... parle pas contre mes Backstreet Boys. Ok, écoute, je dirai. La Beatlemania qui se répand donc rapidement et 48 heures après leur arrivée à l'aéroport John F. Kennedy, 70 millions d'Américains, c'est-à-dire 45% de la population, c'est un record qui est encore inégalé, est à l'écoute du Ed Sullivan Show où les Beatles font leur première apparition nationale. Ils font quelques concerts à Washington et à New York avant de retourner au Ed Sullivan Show à partir de Miami le 16 février. Ils retournent ensuite au pays pour débuter le tournage de leur premier film, A Hard Day's Night. D'ailleurs, il y a une anecdote assez intéressante à propos du Ed Sullivan Show. C'est Paul McCartney qui racontait ça à David Letterman, puisque l'émission est tournée dans le même studio que le Ed Sullivan. Ça s'appelle le Ed Sullivan Theater, justement. Et il dit, lorsque je m'en allais faire Yesterday, j'étais seul et j'étais derrière un rideau et un des techniciens de l'émission vient me voir et dit « Est-ce que t'es nerveux? » Il dit « Bah, il dit, un petit peu. » Et j'espère que tu l'es parce qu'il y a 50 millions de personnes qui vont te regarder et t'es tout seul devant la caméra. Donc, boy. Bravo, hein? Il y a rassurant. Il y a un petit peu la chicotte, si on veut. Le shake. Oui, ça s'est bien passé. Est-ce que t'as vu la... Ça s'est très, très bien passé, sans accroc. Et il faut dire que pour la télévision live à l'époque, avec un groupe qui était quand même assez jeune, hein, il y avait un peu d'expérience de scène, mais ils ont fait de bonne figure. Et ils retournent en Angleterre pour tourner leur premier film, A Hard Day's Night, et ils enregistrent également une trame sonore. A Hard Day's Night, le premier album, qui comporte uniquement des compositions originales du groupe, et le film du même nom, qui paraissent le 10 et 11 juillet en Angleterre, on est toujours en 1964, et ça fait bien sûr un tabac, on est en pleine Beatlemania, bien sûr. Les Américains vont également avoir une dose des Beatles puisque le Fab Four est de retour pendant une tournée estivale de 26 dates, dont Montréal en 1964, entre le 19 août et le 20 septembre. C'est pendant cette tournée qu'ils rencontrent Bob Dylan et Bob Dylan leur propose d'essayer un petit truc qui s'appelle la marijuana. Donc, ça commence là avec Bob Dylan. Mais pour le moment, nous allons aller écouter justement A Hard Day's Night tiré de l'album A Hard Day's Night. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. Hard Day's Night, donc tiré de l'album du même nom. Il y a eu également un film assez loufoque. Si vous n'avez pas vu ce film-là en noir et blanc, c'est assez cool. Donc, c'est un fou documentaire où on suit les Beatles, dans le fond, dans leur vie de tous les jours, à faire des concerts et tout. J'aime bien les faux documentaires, les mockumentary. Ouais, ben, c'est un peu l'ancêtre de tout ça, mais bon, tu vois que c'est joué quand même assez largement, mais c'est très, très bien fait. Les Beatles sont de bons acteurs dans ce film-là. C'est burlesque. Oui, c'est un peu burlesque sur les bords, entre autres avec le père de Paul McCartney qui essaie de saboter les Beatles. C'est un peu bizarre. Okay. Le grand-père, j'ai dit le père en tout cas. Un vieux monsieur. Oui, exactement. Donc, les Beatles continuent à faire des tournées partout à travers le monde, ce qui donne l'impression que aux membres du groupe d'être de véritables produits de consommation. Ils titrent leur album suivant avec justement un titre qui fait une référence à ce sentiment-là. L'album se nomme Beatles for Sale, Beatles à vendre ou pour vendre, hein, c'est assez évocateur, qui paraît le 4 décembre 1964. On retrouve 6 nouvelles chansons ainsi que beaucoup de reprises signes d'un album qui a été peut-être un peu pressé dans le temps pour que ça soit vendu pour Noël, bien sûr, hein, 4 décembre. C'est important, écoute. Donne le temps aux gens d'aller l'acheter. Oui, le groupe continue à faire des tournées. Il retourne en studio en février 1965, ainsi qu'en tournage pour réaliser son second long métrage, Help. La pièce titre, une composition de John Lennon, consiste en une sorte de cri à l'aide. Le groupe tourne de plus en plus et la Beatlemania bat son plein. John Lennon en a marre de chanter des chansons d'amour pour faire plaisir aux jeunes filles. Il fait différentes expériences dans la vie, ainsi qu'avec les drogues. Ils ont notamment commencé à utiliser le LSD. C'est de plus en plus intense. Oui, c'est ça. Après la marijuana, le LSD. Et le pire, c'est que la première fois qu'il a pris du LSD, c'est avec George Harrison et leur conjointe respective. Et il n'était pas au courant. C'était un ami dentiste qui avait mis le LSD dans leur café. Et bon, ils sont partis. Ils ont trippé mes raids. Ça pourrait être bon, ça. Je sais pas. Crystal Meth, peut-être, une prochaine étape, non? Pour moi, ça a été pire que Crystal Meth. Pour John Lennon, c'était des drogues plus dures. Mais on va revenir à ça la semaine prochaine. John Lennon, ça disait qu'il était dépressif et boulimique. Il disait que c'était sa période Elvis Gros à l'époque et la célébrité lui apportait pas vraiment la joie à laquelle il s'attendait. Et sur Help, on retrouve également une autre pièce très très mémorable, l'excellente pièce Yesterday. Mais pour ce qui est de maintenant, nous allons aller écouter la pièce titre Help, donc tirée de cet album de 1965 des Beatles. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Get my feet back on the ground. écrit à l'aide de John Lennon sur la pièce Help. Il y avait aussi d'autres références, si on veut, à un genre de mal de vivre de John Lennon, entre autres sur, sur l'album Beatles for Sale. Il y avait la pièce I'm a Loser aussi, qui donc il y avait une basse estime de soi, John Lennon, ce qui l'a un peu porté à faire de la musique et à essayer de devenir célèbre, mais il s'est rendu compte avec le temps que la célébrité répondait pas nécessairement au bonheur qu'il... ça correspondait pas au bonheur auquel il s'attendait. Pour terminer, si on veut, cette semaine, on parle d'un dernier album qui a été charnière dans l'histoire des Beatles. En fait, c'est qu'à l'automne 65, ils enregistrent un album très, très important dans leur carrière. Un album qui se nomme Rubber Soul, qui fait référence à la semelle des bottes. C'est inspiré, en fait, sur une photo de pochette qu'il y avait, vous savez, donc, on présentait avec des... Vous savez, les trucs, là, les carousels de diapositives, là, dans le temps, là, les petites diapositives. Il y avait eu une erreur dans le transfert de la diapo et la photo était comme toute fondue. Et donc, on dirait que les Beatles prenaient un peu de drogue. Ils avaient peut-être un peu fumé quelque chose. Lorsqu'ils ont il y a un éléphant rose à quelque part. Oui, c'est ça, exactement. Il avait trouvé cette photo-là assez impressionnante. Et bon, la pochette de Rubber Soul est justement une très, très belle pochette. Si vous avez la chance de trouver ça et que vous ne connaissez pas, bien sûr, les Beatles encore. Et c'est un album, en fait, qui fait un mélange parfait entre le rock et la musique folk à la Bob Dylan. Il a fortement inspiré le groupe lorsqu'ils l'ont rencontré, mais il avait déjà entendu un peu avant le rencontrer aux États-Unis. Et ce qui est très, très drôle, c'est que Bob Dylan, sans le savoir, va faire la même chose. Il va mélanger, lui faisait du folk, et il va mélanger du rock à son folk, et les Beatles vont mélanger du folk à leur rock. Donc, c'est t'as mis du beurre de cacahuète dans mon chocolat? Non, t'as mis du chocolat dans mon beurre de cacahuète. Donc, exactement. C'est la publicité de Reese. C'est des Reese. Des Reese. Ah, ces albums-là. Les Reese's. C'est des Reese. Reese's. Reese's. Reese's Beatles. Donc, l'album qui est construit autour de certains concepts de ballades pop folk et qui s'éloigne du modèle des hits qui s'enchaînent. En fait, on retrouve sur cet album-là, entre autres, les pièces Drive My Car, Michelle, Norwegian Wood et Girl, un autre cri à l'aide de John Lennon. Donc, il y a des problèmes avec son mariage et tout. C'était aussi une réponse à Michelle, mais bon, malheureusement, on n'a pas le temps de faire de décortiquer toutes les pièces des Beatles. Et c'est également sur cet album-là que George utilise la sitar pour la première fois. C'est un album qui va entre autres inspirer Brian Wilson à faire l'album Pet Sounds, qui est un des plus grands albums de tous les temps, album des Beach Boys. Ça va inspirer en fait plusieurs personnes. Rubber Soul est considéré comme l'album comme un des meilleurs albums de tous les temps, les meilleurs albums des Beatles. C'est un album qui va le plus inspirer les autres artistes, autant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne. Et pour terminer le tout en beauté, nous allons justement aller écouter une pièce tirée de Rubber Soul. Voici la pièce Michelle. Très très belle pièce. Bien ensemble. an ensemble. And I will say the only words I know that you'll understand my mission. L'excellente pièce Michel, j'allais dire Michel Obama. Pièce Michel tirée de Rubber Soul, mais qui a été chantée pour Michel Obama lorsque fin, Paul McCartney a reçu le prix Gershwin à la Maison Blanche cet été. C'est très, très gentil de la part de Paul McCartney. Mm-hmm. Cute, donc, même. Oui, très cute. Donc, c'était la grande partie de la Beatlemania présentée ce matin. Il va rester une petite partie de rien à présenter la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, on va parler de Plus Grand que Jésus, Revolver, la fin de la tournée, Sgt. Pepper et Yoko. Yoko. Yoko. Yoko. Donc, en gros, ça va être le programme de la semaine prochaine. Et ça va être intéressant par le fait même. On espère. Comme toujours, comme toutes les chroniques phénomènes, qui s'appelle ici les jeudis à 8h à Assemblage Requis. On te retrouve à plein d'autres endroits dans le Simon Fitzday. On commence à aimer ça, ça. Entre 11h et 13h, dans le Dîner de con, il y a ta chronique Le Scoop des Internets, avec les nouvelles technologiques de la semaine. Ensuite, plus tard dans la journée, à 21h, La Saveur du Moment, ton émission personnelle. Oui, on va avoir de très, très belles pièces ce soir. Un album complet, en plus, qu'on va faire. Ça. Ah oui, lequel? L'album se nomme, c'est un nom assez, assez spécial, ça se nomme Pandemonium Shadow Show. Pandemonium Shadow Show, que dis-je? C'est le premier album d'Harry Nilsson. Un album plus ou moins connu, en fait, assez obscur, mais qui vaut vraiment la peine. C'est excellent. C'est à La Saveur du Moment ce soir à 21h. Et puis demain, entre 11h et 17h, mais toi, c'est au début de l'émission, à 11h. À 11h. Pour la chronique Les Éphémérides du Rock, avec Alain Lefebvre dans Rock Classique. Les éphémérides. Alors, j'aime ça quand tu fais ça, Mathieu. Il n'y a pas d'explosion derrière moi. Par exemple, il faudrait que tu fasses l'explosion. OK, attends. Alors, comment se fait l'explosion? Je vais le faire, OK. Les éphémérides. Oh, pareil. Ouais, génial. En c'est même pareil. Temps, en plus. Comme dans la lutte. Ben oui, c'est en même enfant. Tag team. Donc, merci beaucoup, Simon Fitzbé. Ouais, merci à merci, vous. Simon. Bye. Vous êtes toujours Assemblage Requis. François-Olivier Marchand est là. Oui, Mathieu a dit bye, mais il reste ici là, pour la chronique à François. Là. Ouais, c'est moi, je pense, ben trop aux gens qui écoutent les meilleurs moments, t'sais. Je suis fin avec eux autres. Je leur dis à chaque fois, je les apprécie énormément. Tu sais, c'est comme je voue une passion. Un culte. Une secte. Ouais. Moi, ouais, j'imagine. Tantôt, François Landry avec sa chronique Le Gocratie 101. Pour l'instant, on écoute The Pine Cones. Voici Tea Tonight. Tonight, I will sit in my garden and will say, beg your pardon if you can't be taking tea with me tonight. Oh, oh, for Peter's sake, won't you just have a bit of cake? It's a lovely way to spend the night. No need to be in Sunday white. Everything will be just right when you come to take. Come to take tea tonight. Oh. Ooh. Ooh. Oh, tell me you can't take tea tonight. And we'll sit in my garden and we'll say, beg your pardon. You can't be taking tea with me tonight. Oh, for Peter's sake, won't you come have a bit of cake? Oh, tell me to take tea tonight. And we'll sit in my garden and we'll say, beg your pardon. If you can't be taking tea with me tonight. Oh, for Peter's sake, won't you just have a bit of cake? Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Oui, François, t'as raison, c'est vrai, c'est Assemblage requis jusqu'à 9h. Avec Mathieu Plante. Et François Olivier Marchand. Est-ce que tu vas répéter à chaque fois ce qui vient juste d'être dit dans la. Surtout quand c'est ton nom. Ok, j'aime ça. J'adore ton nom. C'est un bon concept, c'est comme. Mathieu Plante Tousignant. Oui, oui, rappelons-le, Mathieu Plante, mais Tousignant, il va avant le Plante. Ah, il va avant. Parce que Plante Tousignant, ce serait ben trop laid, là. Hein? C'est moins catchy, un peu. C'est comme ça. Tousignant Plante, là. Winner, winner, winner. François Landry, cousin de Maxime Landry, jusqu'à preuve du contraire, parce que lui dit que non. Alors, c'est ça, là. Il dit que non, mais on n'a pas de preuve, là. Non, c'est ça, on n'a pas vu l'arbre généalogique. C'est comme Barack Obama qui vient peut-être du Kenya, là. On sait pas, là. On n'a pas de preuve. Qui est peut-être musulman. Peut-être. Aussi. Peut-être que François Landry est musulman aussi, il a une barbe, ça, on sait pas. Oh, ben, colle qu'on apprend aujourd'hui. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. J'aime le fait que je lui donne aucunement la chance de se défendre avant de partir l'intro. C'est fort, ça, hein? J'utilise mon droit qui m'est donné de me taire. Ah, OK. Parce que tout ce que tu dis pourrait être retenu contre toi. Voilà. Voilà. Donc, François Landry qui vient à chaque semaine les jeudis à 8h30 pour nous présenter Logocratie 101, sa chronique politique. Oui, et on se souvient tous que Logocratie veut dire langue de bois, jouer avec les mots. Donc, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi dans une période creuse comme cette semaine, ne pas... faire juste un petit retour sur le lexique en politique, mais cette semaine, je me concentre sur le lexique péquiste. OK. Ça se prononce mal, lexique péquiste. Ouais, ça rime pas, on a appris que ça rime pas, c'est juste la lettre qui est pareille. Ça rime pas, non, ouais. Je sais que vous avez eu un petit débat en début d'émission, ouais, là, mais. C'était dur, là. Oui. Parce que cette semaine, il n'y a pas eu de grands éclats à l'Assemblée nationale. On a parlé encore de corruption, de commission d'enquête, de. Que le gouvernement pourrait coucher avec la mafia. Mais tu sais, j'ose pas trop en parler de peur de te faire tuer. Ouais, parce qu'il y a comme le Nick Rizzuto qui s'est fait assassiner à Montréal hier soir. C'est ça, comment tu peux tuer un plat de riz? Attention à ce que tu dis. Et ouais, c'est ça. D'après moi, Mathieu lundi ne sera pas à l'émission. Feu Mathieu Plante. Mettre le feu aux plantes. Hein. Exact. Et puis, en fin de semaine, c'est le congrès de l'Action démocratique du Québec. On verra si Gérard Deltel restera en poste. Parce c'est où? C'est à Granby. Okay. Donc, on peut y aller si ça te tente, mais je pense qu'on sera pas... D'autres choses à faire. À part les 4-5 personnes qui vont être là, je pense pas qu'il y ait bien gros du monde. Oui, est-ce que ça pourrait être la fin de la DQ? Non, ça pourrait être la fin, le début d'une fin annoncée. Ah. Parce que cette semaine, oui, t'as raison de le souligner, l'ADQ, ça a bougé un peu, mais je vais pas faire une chronique là-dessus parce que c'est une non-nouvelle. Éric Kerr, et Marc Picard, qui ont délaissé l'ADQ il y a un an, quasiment jour pour jour, pourraient revenir à l'ADQ. Ça serait la grosse joke de l'année. Moi, c'est clair que je vais m'amuser à aller taquiner mes amis ADQistes pour leur dire... les non-ADQistes, les anciens. Donc, je vais les achaler pour leur dire « Tu reviens au Bercail ». En tout cas, on en reparlera. Et la semaine prochaine, c'est le congrès du Parti libéral du Québec. Mais pas le congrès, c'est le Conseil national. Donc ça, il n'y a pas de vote en tant que tel, c'est plus des orientations qu'on donne. Donc ça sera deux grosses semaines politiques. Donc j'en reviendrai avec ça dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, je vais vous parler du lexique péquiste. Lexique, c'est comme un glossaire, mais sans les références vers les pages. Ouais, genre, c'est en plein ça. C'est juste pour dire que veulent-ils vraiment dire. C'est genre, c'est un fait, mais... Oh, absurde, bon. Pécus, moi. Non, mais c'est encore drôle. C'est juste pour se nous mêler. Ce sont des maîtres de la langue française qui utilisent des termes creux pour nous faire avaler n'importe quoi. Et ça, on aime ça tous. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Parce qu'on a vu, il y a quelques semaines, quand Pauline Marois s'est faite attaquer par son aile radicale qui veut la souveraineté là. On a entendu plein de mots qu'on a dit de quoi il parle. Mm-hmm. Comme gouvernance souverainiste, gouvernance provinciale, le débat d'idées. Ça sonne beau dans nos oreilles, mais que veulent-ils réellement dire? Donc, on en a ressorti quelques-uns comme un débat d'idées au Parti québécois. C'est quoi un débat d'idées? C'est pour décrire toutes les crises internes. Au lieu de dire qu'on est en chicane, débat d'idées. Laver son linge en famille, linge son en famille. Ouais, ça sonne bien. Ça sonne bien mieux. Ah, hein? Ouais. Puis, le seul débat d'idées qu'il y a, c'est est-ce qu'on fait la souveraineté? Oui ou oui? Non, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de choix de réponse. Il n'y a pas de choix de réponse. C'est le seul choix de réponse, c'est demain ou après-demain qu'on l'a fait, la souveraineté. Uh-huh. C'est ça. Donc, et ça, il y a d'autres mots qui vont en parler après. Qu'est-ce que la souveraineté? Et justement, qu'est-ce que la souveraineté au Parti québécois? C'est le besoin primaire. C'est la raison primaire du Parti québécois. C'est ça, parce qu'à la limite, une fois que la souveraineté va être faite, le Parti québécois, en théorie, c'est ce que je m'étais fait dire, va disparaître. On s'en reparle. En théorie, oui. La raison d'être du Parti québécois, c'est de faire la souveraineté. Et ensuite, ce serait de gouverner. Sauf que, qu'est-ce qui distingue... Enlève juste le mot souveraineté du programme du Parti québécois. Qu'est-ce qui le distingue des autres formations politiques? Des idées un petit peu plus à gauche? Peut-être. Des idées un petit peu plus à droite? Peut-être. Il n'y a rien qui les distingue. Ils ont fait les mêmes politiques. Les grosses coupures en éducation, en santé, c'est le Parti québécois qui les a faites à la fin des années 90. Jean Charest n'a rien inventé. Donc, moi, je vois pas de différence flagrante. Le Parti libéral fait en 4 ans ce que le Parti québécois mettrait 8 ans à faire. Donc, ils font la même politique, mais sur une plus longue période de temps. Donc, c'est moins... moins drastique. Exactement. C'est moins... Exactement. Donc, c'est vraiment la souveraineté qui fait la différence. Et ça, la souveraineté, c'est l'article 1. On entend souvent parler de l'article 1 au Parti québécois. Mais de là, en fait, si ça se fait... L'extinction du Parti québécois va se faire. Il pourrait se transformer, il va se trouver une nouvelle. Mais c'est ça, j'imagine. Ah, c'est un nouveau nom, peut-être, non? Ça, on sait pas. Bon, parce que du temps de René Lévesque, oui, c'était le but. Dès le lendemain de la souveraineté, on gouverne, on finit notre mandat, on se représente peut-être pour un second mandat pour asseoir la structure du nouveau pays. Et ensuite, on verra. Mais avec l'arrivée de Pauline Marois et Lucien Bouchard à l'époque, c'était on gouverne. On gouverne, c'est ça, exactement. Gouvernement québécois, donc nationaliste, comme ça se passe un peu en Écosse. Ils ont obtenu une certaine souveraineté par rapport à Londres, mais le parti au pouvoir est encore là. Puis il va continuer à être là, justement, pour galvaniser les nationalistes québécois. S'assurer, puis... Exactement, pour pas que l'impérialisme revienne, puis bon. Mais ça, on verra dans 50, 60 ans, quand on aura des petits-enfants. Conditions gagnantes, justement. On en parle souvent, conditions gagnantes. Qu'est-ce qu'une condition gagnante pour... pour le Parti québécois, c'est un vieux terme qui date de la fin des années 90. C'est Lucien Bouchard qui a inventé ça pour dire « Le prochain référendum se fera dans des conditions gagnantes. » Est-ce que je peux me risquer? Vas-y. C'est des sondages favorables? Non. Non? Non. Non, j'aurais dit ça. OK, je vais continuer puis je vais te l'expliquer après. Donc, conditions gagnantes, Lucien Bouchard. On retient ça. Certitude morale de l'emporter. Ça, c'est Bernard Landry. Moment opportun. Ça, c'est Pauline Marois. Ça veut-tu dire la même affaire? Oui. Dans ma tête, ça veut tout dire la même affaire. Donc ça veut dire qu'on va faire la souveraineté à un moment donné. Quand nous, ça va nous plaire de décréter, de tenir un référendum sur la souveraineté. Donc, c'est un gros mot creux qui veut dire « Élisez-nous, on ne tiendra pas de référendum. » Mais éventuellement, quand on verra que les conditions gagnantes, que le moment jugé opportun ou que les certitudes morales seront mises en place, on tiendra un référendum. C'est juste pour galvaniser les ceux qui veulent vraiment la souveraineté, de leur dire yeah, on a un calendrier d'établi, un calendrier sans date. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça sent la coupe. Oui, on va le faire. On va la faire, la souveraineté. Et pour les modérés qui sont plus ouais, mais moi, je veux la souveraineté seulement si Ottawa me fait... ou je veux la souveraineté, mais il y a d'autres choses à faire avant. L'économie, l'écologie doit être réglée avant de faire la souveraineté. Donc, le Parti québécois a inventé des trois termes creux pour dire « On veut la souveraineté, mais pas de suite. » Donc, c'est encore notre priorité, mais pas de suite. T'sais, c'est « On avance, mais pas en arrière. » C'est trois termes qui signifient la même chose. Conditions gagnantes, certitude morale ou moment opportun. Gouvernement provincial, c'est un terme qui est banni au Parti québécois. Et pourtant, les ennemis du Parti québécois leur attribuent comme quoi le gouvernement serait, sans la souveraineté, là, un gouvernement provincial, tout simplement. Donc, si on relègue la souveraineté à un second mandat, donc dans 6-7 ans après leur première élection, vous allez gouverner en provinciaux et non pas en tant que futur pays. Donc, c'est un terme qui est banni. Tu veux faire schnout un péquiste? Tu dis que c'est un bon gouvernement provincial. Ça, c'est clair. Je l'ai essayé, puis j'en porte encore le stigmate. Gouvernement souverainiste. Ah, ça, par contre, Ça sonne bien. Ça, c'est une jouissance aux oreilles des péquistes. On va gouverner le Québec, mais dans un esprit de souveraineté. Donc, on va se comporter comme un État souverain, mais toujours au sein du Canada. C'est un peu... Moi, dans ma tête, c'est un peu un mot creux. C'est une genre d'autonomie québécoise. Mais ils vont gouverner dans l'optique d'obtenir des gains d'Ottawa. Donc, on va rapatrier des pouvoirs, on va rapatrier des points d'impôt, on va rapatrier X, Y, Y, Z. Mais c'est pas fait, là. C'est pas fait, mon homme. Pauline Marois, c'est ce qui est la priorité de son programme une fois au pouvoir. Donc, elle dit, je ne veux pas de référendum là. On l'a dit tantôt, dans un moment jugé opportun. Mais on va se gouverner en souverainiste. Donc, on va être fiers, on va aller sur la scène internationale en tant que Québécois, non pas en tant que Canadien provenant du Québec. C'est toute l'optique qui fait en sorte que c'est comme si on reniait l'existence du Canada et on se comporte en État souverain sans l'être. C'est comme un ado qui se prend pour un adulte. Ouais, ou une femme de 40 ans qui se prend pour une femme de 20 ans. Ah, ouais. Ah, ok. Ouais, tu comprends, tu vois l'image. Ouais, ouais. Ça marche pas. C'est pas à 20 ans, si, en tout cas. Donc, et on parle d'autonomie. Donc, ça aussi, c'est... Tu veux avoir une gifle, traite un péquiste d'autonomiste. Parce que, présentement, avec Pauline Marois, ça serait une certaine forme d'autonomie. Et elle s'est faite attaquer par son aile radicale, il y a 2 semaines, les 50 jeunes qui ont signé une lettre, pour dire c'est ce que le gouvernement péquiste prévoit faire, c'est de gouverner en tant qu'État autonome. Donc, revenir à ce que l'ADQ prône, un État autonome dans un Canada uni. Donc, on rapatrie nos points d'impôts, de certains pouvoirs. On se gouverne en tant qu'être autonome, mais on fait partie de la grande famille canadienne. C'est un peu ce que Duplessis avait instauré dans les années 40. Donc, on revient à une certaine forme de nationalisme territorial. Mais quand tu dis rapatrier, comme les points d'impôts, on parle quoi? Du fédéral qui... C'est, admettons... Il redonnerait... Admettons, le gouvernement fédéral passe une loi ou met un nouveau projet. Il y a une loi au Québec qui dit qu'on a le droit de se dissocier de ce projet-là, mais d'avoir pleine compensation financière pour nous mettre en place un projet similaire « Made in Québec ». Donc, Ottawa qui créerait les garderies, les centres de la petite enfance, exemple. Ils nous donnent l'argent, nous autres, on s'arrange avec. Nous autres, le Québec, on dit « on se dissocie de ça » et on veut avoir les 900 millions qu'Ottawa aurait investi au Québec pour les CPE, mais nous, on va créer les CPEQ. Les centres de la petite enfance québécoise. Juste changer le nom et on distribue l'argent comme on veut. Okay. Pour un autre exemple, dans le mouvement étudiant, l'aide financière aux études. L'éducation, c'est de ressort québécoise. Okay? Donc, Ottawa a dit, on va créer une bourse du millénaire sous Jean Chrétien, qui a été abolie en janvier 2010, mais il reste de l'argent dedans. Il reste 35 millions qu'on va distribuer. Là, présentement, là, il reste... Il y a 35 millions qui s'en iraient au Québec à cause de cette bourse-là, puis quelques autres millions dans l'Ouest du Canadien. Mais Québec s'est dit, on veut pas que ça soit Ottawa qui dépense 35 millions au Québec. Tu sais, guerre de clochers, là. Mais c'est ça, c'est donc ça. Là, Québec se dit, on va récupérer 35 millions. Il va nous faire un chèque, 35 millions. Puis nous, on va pouvoir le distribuer à notre guise. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Est-ce qu'on le met dans les routes? Est-ce qu'on le met dans les infrastructures, dans des salaires, dans la dette, dans l'éducation? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec. Parce qu'une fois que le chèque est signé, il s'en va dans la grosse machine gouvernementale. Donc, perdu dans mal. Perdu dans mal. Ou, s'il veut vraiment bien faire, il le mettra en éducation, en bourse, comme Ottawa aurait pu le faire. Donc, c'est quand on dit rapatrier des points d'impôt, c'est ça, c'est rapatrier des pouvoirs, faire ce qu'il veut avec. Et ensuite, bon, comme pour les CPE, c'est québécois, mais c'est parce qu'Ottawa voulait faire quelque chose de similaire. Il a dit non, donne-nous l'argent. Et Québec a mis en place un système public de garderie. Okay. Et Ottawa ne l'a pas encore mis en place. Ils ont dit, gars, le modèle québécois fonctionne très bien. On va laisser aux provinces le soin de le faire. Donc, ils ont donné l'argent à chaque province. Au lieu que ça soit concentré à Ottawa. Puis, le même droit est-il aussi valable dans les autres provinces ou c'est uniquement au Québec? Il y a une loi qui dit que le Québec a le droit de se dissocier de chaque programme. Pas dans les autres provinces. Non, pas dans les autres provinces. Non, ça doit les faire choquer peut-être un peu, non? Certaines provinces, oui, parce qu'ils disent... L'Ontario, les provinces riches, en fait? L'Ontario, c'est une province pauvre. Ah ouais, vrai? Oui, oui. C'est Terre-Neuve, Alberta, Colombie-Britannique, les trois provinces riches. Toutes les autres reçoivent de l'argent. Oui. Ah! Crime, je t'assure que l'Ontario... Et non, est aussi pauvre que nous. Peut-être un petit peu plus riche, mais dans la même catégorie des grands receveurs d'argent. Mais Ottawa peut se dissocier d'un programme, mais c'est pas à son avantage. Parce que sont très proches du toutes les provinces au Canada sont très près du pouvoir fédéral. Ils ont une feuille d'érable tatouée sur le cœur plutôt qu'une feuille, une feuille de lys. Une fleur de lys. Mais, le Québec, c'est de par sa volonté de toujours se distinguer. On est une société distincte, on est une nation dûment reconnue par le gouvernement conservateur. Donc, c'est son jeu de toujours vouloir mettre le sceau Québec plutôt que le sceau Ottawa sur le programme. Comme sur des chèques, sur l'impôt. Puis, ça paraît mieux pour les élus, en fait. C'est eux autres qui remettent l'argent, c'est eux autres qui a la face que les gens voient. Ça, c'est un des grands pouvoirs que le Bloc québécois a. Donc, à rapatrier un pouvoir d'Ottawa à Québec, c'est un gros gain pour le Bloc québécois. En voulant dire, on a réussi à bloquer la propagande canadienne et on l'a mis propagande québécoise. Ça passe mieux. Mais ça, c'est un rapatriement d'impôts. Ça, c'est compliqué. C'est vraiment la fiscalité, c'est la comptabilité, puis ça prend des années, mais ça fonctionne pour le Québec jusqu'à maintenant parce qu'ils font ce qu'ils veulent avec l'argent. Puis c'est une genre d'autonomie québécoise au sein même de la Confédération. Donc, on voit ce que ça donne. Il me reste deux mots pour finir avec ça. Je vais aller très vite. Troisième voie. On n'en entend pas beaucoup parler. C'est des péquistes qui ne veulent plus qu'on parle de souveraineté. C'est genre, on peut-tu parler d'autre chose? Il y en a quelques-uns. Puis ça commence à se... Surtout chez les jeunes. Eux qui n'ont pas connu René Lévesque, qui n'ont pas connu l'effervescence du nationalisme dans les années 60. Eux autres veulent qu'on parle d'économie, de création de richesses, d'emplois et d'environnement, de développement durable et de répartition de la richesse. Bon, c'est une petite frange, mais qui commence à faire bouger les choses au PQ, qui dit, OK, là, le vieux débat stérile, Québec-Ottawa, souveraineté, fédéralisme, là, on peut-tu passer à autre chose? S'ils sont très minoritaires. Et le dernier terme, volonté populaire. Ça, c'est juste une petite craque que j'envoie au PQ, là. C'est un terme totalement absent dans les débats du Parti québécois. Ils veulent consulter la population seulement quand ça va faire leur affaire. Oui. Donc, on s'entend que si la population dans les sondages dit « on veut pas de souveraineté », le PQ peut en tenir un référendum. Mais c'est pas leur avantage. Ils devraient plutôt écouter ce que les gens veulent. Qu'est-ce que les gens veulent ces temps-ci? C'est rééquilibrer l'économie. Création d'emplois et développement durable. C'est les grands thèmes majeurs dans les sondages qui ressortent. Donc, le PQ devrait faire ça, mais ne le fait pas. Eux autres, c'est encore la chicane constitutionnelle, encore dans le parti. Dans le parti, en dehors du parti, ça finit plus. Partout. Mais c'est ça qui fait la beauté du Parti québécois, c'est qu'ils sont en débat d'idées continuel. Hein? Ça revient au début, hein, c'est faux. C'est un cercle vicieux. Tout à fait. À chaque semaine, tu fais bien ça. François Landry, qu'on retrouve la semaine prochaine, jeudi à 8h30 dans Logocratie 101. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Hey, merci. On va parler de l'ADQ. Oh yeah. Oh, oh, oh. Party every day. S'il y a quelque chose à parler. Ouais, le but. Donc, merci encore une fois, François Landry. Nous, à Assemblage Requis, ben, il nous reste quelques minutes à peine. On va l'entendre Waving Hand avec la pièce. Colin Waving Hand avec Bonne Nuit Mon Cœur, c'est pas compliqué à dire, mais là, voilà. C'est hyper salant, hein? Rock and roll all night, party every day. C'est pas le slogan d'assemblage requis, ça. Hein? On rock pas bien, ben, ça. Non. Nous autres, là. Et bonne pièce, ça, ben, ouais. Fait qu'on arrête de parler, ça, tu vois. Okay. Ça peut-être, là. Again, bonne nuit mon cœur à Assemblage Requis. C'est déjà la fin de l'émission pour la semaine au grand complet, François. Youhou! Ça a du sens, ça, une semaine qui passe vite de même, hein, Simon? Hey, ça a passé vite. Hein, a passé vite, hein? Hey. Il nous reste environ 1 minute 30, le temps de vous dire de rester sur nos ondes, ici même assez fou, parce que votre journée, elle est remplie de coquetterie, je dirais. À 11h, il y a le dîner de con avec Danny Janvier. Danny Janvier. Ouais, après ça, il y a une dose d'estrogène, avec de la musique et des sorties, hein, des parties. Moi, je vais être de retour à 14h avec les Palmarès C'est Fou en compagnie de Stéphanie Gagné, qui, elle, restera avec vous pour une pêche en mission. C'est comme une transition de tag team, wow. Comme à la lutte. Hein? Comme à la lutte. Comme à la lutte. En soirée, La Spirale, Scraypunka et Simon Fitzbé avec La Saveur du Moment. Eh oui. Donc, on remercie les gens qui ont participé à l'émission toute la semaine, François. Tout à fait. Simon Fitbé, François Landry, Maxime Lemieux-Laramé, Stéphanie Gagné, Émilie Gauthier, Yann Martel aussi, Alexandre aux étudiants. Oui, Alexandre Delage. Tout à fait. Et Vincent Gauthier. Avec les sports. Oui, c'est ça, exactement. Hey, j'ai envie d'appeler sa chronique Vincent 10% pour être très original. Oh! Vincent 10%, t'as peint? Ça va? Ouais. Il aime, je pense pas. Ben, je sais pas. C'est un peu cliché, hein. C'est ma spécialité quand même. Hein, Simon? Ouais. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Passez une excellente fin de semaine. Bye, François. Bonne journée. Bye. Vincent à 10%. Ah. Ou l'attaque à Vincent, mais là, à un moment donné. Arrête, là, arrête. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.